Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 19 décembre, nous souhaitons une bonne fête aux urbains. Le dicton nous dit, s'il pleut à la Saint-Urbain, c'est 40 jours de pluie en chemin. Alors, bonne nouvelle, pas de pluie prévue au programme aujourd'hui. Pas de célébration internationale aujourd'hui et dans les événements qui se sont déroulés un 19 décembre en 1877. Thomas Edison brevetait le phonographe, appareil destiné d'abord à graver puis à reproduire du son. En 1965, c'était la réélection de Charles de Gaulle à la présidence de la République française. En 1971, c'était la sortie aux États-Unis du film Orange Mécanique de Stanley Kubrick qui déclencha un tourbillon de polémiques. Et enfin, en 2001, c'était la sortie du premier film Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Allez, tout de suite, première pause musicale et on va se faire plaisir ce matin. En tout cas, moi, je vais me faire plaisir. Il n'y a pas de chanteur dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Du coup, j'ai choisi mes coups de cœur du moment. Et on commence avec Vita et Slimane et le titre « Avant toi ». Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Je sais, le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Pas montrer le chemin. Y'avait pas de maison, y'avait pas le bonheur, j'avais pas de raison, mon âme sœur. Y'avait pas de rire, mais y'avait pas de pleurs. J'étais seule ici, mon âme sœur. Le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour de toutes les façons. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Chemin. Vita et Slimane et le titre « Avant toi » sur RJM. Il est presque 8h36 avant de parler anniversaire. On écoute Chris qui nous parle du don du sang pour ce mois de décembre. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo, 107FM. C'est Chris et aujourd'hui je vous présente le programme des Journées du sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois de décembre 2019 de notre département. Tout d'abord, et comme je le répète chaque mois, il est important de savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et pour répondre à cette exigence, voici le programme des Journées du sang pour le mois de décembre 2019 dans notre département. Le 20 décembre 2019, à Bussan, à la salle des fêtes, située 2 places de la mairie, de 16h à 19h30. Le 23 décembre 2019, à Thiéfos, à la salle polyvalente, située à l'adresse 1 chemin Vieux-Pont, de 16h à 19h30. Le 27 décembre 2019, à Domartin-lès-Remiremont, à la salle des fêtes, située à l'adresse 51 rue de Pont, de 16h à 19h30. Je le répète une dernière fois, il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, pourraient permettre de sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris. Allez, on fait un point sur les anniversaires. Ils sont nés un 19 décembre 1924, naissance de Cicely Tyson, actrice américaine, connue pour incarner Ophelia Harkness dans la série How to Get Away with Murder depuis 2015 et vue dans la saison 4 de House of Cards dans le rôle de Doris Jones. 1942, naissance de Rufus, comédien français, vu dans Podane, La Cité des Enfants Perdus, Les Misérables, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Un Long Dimanche de fiançailles, Is No Good, Les Aiguilles Rouges, Salaud On T'aime, Bienvenue à Marly Gaumont ou encore Chacun sa vie. 1963, naissance de Jennifer Beals, actrice américaine, connue pour son rôle d'Alex Owens dans la série, dans le film Flashdance, vu cette année au cinéma dans After chapitre 1 dans le rôle de Karen Scott et vu à la télévision dans les séries The L Word dans le rôle de Beth Porter ou encore Lie to Me dans le rôle de Zoé Landau. 1964, naissance de Béatrice Dahl, actrice française connue pour son rôle de Betty dans 37-2 le matin, vue aussi dans Truand, Chacun sa vie et cette année dans Adoration. On continue, 1965, naissance de Jessica Steen, actrice américaine, vue dans Armageddon où elle a incarné Jennifer Watts, la copilote de la navette Freedom, et vue à la télévision dans NCIS Enquête Spéciale, Flashpoint ou encore Grey's Anatomy. 1969, naissance de Christy Swanson, actrice américaine, vue dans Hot Shot, la série télé Côte Ouest, Demain à la Une, dans le rôle d'Erika Paget ou encore Psych Enquêteur malgré lui. 1972, naissance d'Alyssa Milano, actrice américaine, vue au cinéma dans le film Happy New Year, mais on la connaît surtout pour ses rôles à la télévision. Tout d'abord dans la série Madame est servie, dans le rôle de Samantha Micheli, Melrose Place, dans le rôle de Jennifer Mancini, Spin City, dans le rôle de Meg Winston, Charm, dans le rôle de Phoebe Halliwell, Earl, Mistresses, et depuis 2018, Insatiable dans le rôle de Coralie Armstrong, vue récemment dans un épisode de Grey's Anatomy, enfin en tout cas aux États-Unis, en France ça n'a pas été encore diffusé, et productrice de la série Charmed des saisons 5 à 8. 1980, naissance de Fabien Bourza, patineur français qui avec sa partenaire Nathalie Péchala, eh bien son double médaillé de bronze au championnat du monde 2012 et 2014, double champion d'Europe en 2011 et 2012, quintuple champion de France. On reste en 80 avec la naissance de Jake Gyllenhaal. Décidément, j'arrive pas à le prononcer son nom. Acteur américain vu dans Highway, Le Jour d'après dans le rôle de Sam Hall, Le Secret de Brokeback Mountain dans le rôle de Jack Twist, Jared, La Fin de l'Innocence dans le rôle d'Anthony Sofford, Prince of Persia, Les Sables du Temps dans le rôle du Prince d'Astan, Les Frères Sisters ou encore Spider-Man Far From Home dans le rôle de Quentin Beck alias Mysterio. 1987, naissance de Karim Benzema, footballeur français, Professionnel depuis 2005. De 2005 à 2009, il a joué à l'Olympique Lyonnais, club avec lequel il est 4 fois champion de France. Et depuis 2009, il joue au Real Madrid, club avec lequel il a remporté 2 fois le championnat d'Espagne, 2 fois la Coupe du Roi, 2 fois la Super Coupe d'Espagne, 4 fois la Ligue des Champions, 3 fois la Super Coupe d'Europe et 4 fois la Coupe du Monde des clubs. Rien que ça. En 1848, décédée Emily Brontë, femme de lettres britannique, connue pour son roman Les Hauts de Hurlevent, unique roman est considéré comme un classique de la littérature anglaise et mondiale. En 1915, décédé Alois Alzheimer, médecin, psychiatre, neurologue et neuropathologiste allemand, connu pour sa description en 1906 de la maladie qui porte son nom. Et ce matin, on apprend le décès du chanteur Alain Barrière, notamment connu pour le titre « Ma vie », dont on va écouter tout de suite un petit extrait. Ma vie, j'en ai vu des amours. Ma vie, l'amour, ça fout le cœur. Je sais, on dit que ça revient. Voilà donc pour l'extrait de Ma vie d'Alain Barrière. Allez, tout de suite, on va marquer une nouvelle pause musicale avec le groupe Coldplay et leur titre Orphans. Oh, Coldplay et le titre Orphans sur le 107 FM. Presque 8h46, on parle météo. La météo. Et aujourd'hui, ce sera une journée ensoleillée avec tout de même quelques petits nuages. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 12 et 14 degrés pour cet après-midi. Vendredi, ce sera déjà le retour de la pluie. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 10 et 11 degrés prévus pour demain après-midi. Samedi, de la pluie. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés prévus pour samedi après-midi. Et malheureusement, nous n'aurons pas de Noël blanc cette année encore. Nous en parlerons plus en détail demain matin. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En football, les résultats de la Coupe de la Ligue. Lyon s'est qualifié 4-1 face à Toulouse. Amiens s'est qualifié 3-2 face à Rennes. Brest s'est qualifié 2-0 face à Bordeaux. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-1 sur la pelouse de Le Mans. Strasbourg s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Nantes. Et enfin, Saint-Étienne s'est imposé à Nîmes 2-1. Les quarts de finale qui auront lieu en les quarts de finale, je disais donc, qui auront lieu en janvier, opposeront Lille à Amiens, Lyon à Brest, le Paris Saint-Germain à Saint-Étienne et Reims à Strasbourg. Un mot de basket avec les résultats de la NBA, ce n'était pas une nuit pour nos Français, puisque Evan Fournier avec Orlando s'est incliné face à Denver, 13 points tout de même pour le Français. L'équipe de Washington de Miami s'est inclinée après prolongation face aux Chicago Bulls, 109-110, 8 points et 6 rebonds pour Miami. Et l'équipe de Boston de Poirier s'est imposée face à Dallas, mais malheureusement le Français est blessé, il n'a pas joué. On termine l'actualité avec du biathlon. Plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, en Junior Cup, la victoire de la France sur le relais mixte. En IBU Cup sur l'individuel court, deux Français dans le top 10 hier. Martin Perry a bottonné 5e et Aristide Beg 9e. Emilien Claude, lui, a terminé 19e. Et on va parler de la Coupe du Monde au Grand Bornand. Ça y est, le début, c'est cet après-midi. On ouvre les hostilités avec le sprint, messieurs. Le premier à partir, ce sera Pidrouchny, hein, l'Ukrainien. Le premier français, ce sera Simon Détieu avec le dossard 8, suivi 30 secondes plus tard par Martin Fourcade avec le dossard 9. Emilien Jacquelin, lui, aura le dossard 19. Après, il faudra aller un petit peu plus loin pour retrouver nos trois derniers français. Fabien Claude partira avec le dossard 46, Quentin Fillon-Maillet le 48 et juste après, Antonin Guigona avec le dossard 49. Florent Claude, lui, partira avec le dossard 21, donc avant son petit frère. Et en parlant de frères, les frères Beu, Tarier Beu partira avec le dossard 13 et Johannes Beu avec le dossard 34. Johannes Beu qui dispute ses dernières courses pour l'instant, puisque je vous le rappelle, il va être papa. La naissance est prévue pour le mois de janvier. C'était une information qu'on savait plus ou moins, mais c'est officiel depuis hier. Johannes Beu fera l'impasse sur toutes les courses du mois de janvier. Il tire donc un trait sur le classement général de la Coupe du Monde. Et justement, la Coupe du Monde, eh bien, on devrait retrouver Johannes Beu pour la Coupe du Monde, peut-être avant. Mais en tout cas, voilà, il fera l'impasse sur toutes les courses du mois de janvier. Et on va parler des Allemands et principalement des Allemandes. Allemandes qui connaissent un début de saison très très compliqué, eh bien l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne féminine a pris une décision lourde de conséquences puisqu'il a envoyé la moitié de son équipe en IBU Cup, donc la division en dessous. Donc voilà, ça va pas fort hein, pour les Allemands. En tout cas nous, pour nos Français, ça se passe plutôt pas mal et ça c'est une bonne nouvelle. Espérons que la fête soit belle ce week-end au Grand Bornand. On pourra déjà en parler demain avec les résultats donc du sprint, messieurs, 14h15 pour le départ. Et on va tout de suite marquer la dernière pause. C'est Mariah Carey, bien évidemment, qu'on entend chaque année à la période de Noël avec son titre « All I want for Christmas is you ». Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Eh bien, elle a réussi un gros coup, puisque 25 ans après la sortie de ce titre, elle est de nouveau numéro 1 mondial au Billboard. C'est assez exceptionnel.